Le baiser de glace par Marie-Elisabeth Braddon. Il était étudiant. Les choses qui lui arrivèrent arrivent quelquefois aux étudiants. Il était allemand. Les choses qui lui arrivèrent arrivent quelquefois aux Allemands. Il était jeune, beau, studieux, enthousiaste, insouciant, sceptique et sans cœur. Et puis, étant jeune, beau et éloquent, on le chérissait. Il était orphelin. Sous la tutelle du frère de son père mort, son oncle Wilhelm, dans la maison duquel il avait été élevé depuis son enfance, et celle qu'il aimait, c'était sa cousine Gertrude, qu'il jurait aimer en retour. L'aimait-il? Oui, lorsqu'il le jura d'abord. Mais cela s'effaça bien vite. Cet amour passionné devint à la longue un sentiment bien usé et bien misérable dans le cœur égoïste de l'étudiant. Mais quel rêve magnifique! À son aurore dorée, lorsqu'il n'avait que 19 ans et sortait de l'université, et quand ils erraient ensemble dans les environs les plus romantiques de la ville, au soleil couchant, ou par une calme soirée éclairée par la lune, ou encore par une brillante et joyeuse matinée. Il cache cet amour aux yeux de Wilhelm, car celui-ci a l'ambition d'un père qui cherche un riche prétendant pour sa fille unique. Froide des tristes visions à côté du rêve d'un amant. Ils sont fiancés cependant, et se promènent côte à côte, tandis que le soleil vient de s'éteindre et que la pâle clarté de la lune éclaire le ciel. Ils passent l'anneau des fiançailles à son doigt, à ce long doigt blanc et effilé qu'il connaît si bien. Cette bague n'était point ordinaire, c'était un serpent en or massif, se mordant la queue, symbole de l'éternité. Cette bague était celle de sa mère, et il l'eût reconnue entre mille. Eût-il été aveugle, qu'il l'eût, rien qu'au toucher, retrouvé dans une prodigieuse quantité de bagues. Il eut passé cet anneau au doigt, et ils jurent d'être fidèles l'un à l'autre pour toujours, dans le bonheur et dans la peine, dans l'opulence et la pauvreté. Son père serait bien forcé plus tard de consentir à leur union, car ils étaient fiancés et la mort seule pouvait les séparer, dit-elle plus tard. Mais le jeune étudiant, tout railleur et sceptique qu'il était cependant poétique et enthousiaste. Il répond « La mort même ne saurait nous séparer. Je sortirai de la tombe pour vous retrouver, Gertrude. Mon âme reviendrait pour être près de mon amour. Et vous, si vous mouriez avant moi, la terre glacée ne vous séparerait point de moi. Vous reviendriez, et ses beaux bras s'élanceraient encore autour de mon cou, comme à présent. » Mais elle lui répond avec un éclair de son œil bleu, éclair qui n'a jamais éclairé le sien. Elle lui dit que les morts qui s'éteignent en paix avec Dieu sont heureux au ciel et ne peuvent revenir sur cette terre de misère, et que le suicide, l'être misérable et abandonné sur lequel les anges ferment les portes du paradis, est le seul dont l'esprit maudit hante encore le seuil des vivants. La première année de leur fiançailles est écoulée, et elle seule, car il est parti pour l'Italie, envoyé là par un homme riche pour copier un Raphaël, un Titien ou un guide, dans une galerie de Florence. Il est parti pour acquérir de la gloire, peut-être, mais ce n'en est pas moins bien amer, et il est parti. Sans aucun doute, son père souffre de l'absence de son jeune neveu, qui était comme un fils pour lui. Il pense que la tristesse de sa fille est celle d'une cousine qui regrette l'absence de son cousin. Les semaines et les mois se passent. L'amoureux écrit, souvent d'abord, puis plus rarement, à la fin plus du tout. Combien de motifs elle invente pour l'excuser? Combien de fois se rend-elle au petit bureau de poste, bien éloigné cependant, auquel il doit adresser ses lettres? Combien de fois elle espère pour être désappointée? Combien de fois elle désespère pour espérer encore? Mais le véritable désespoir arrive enfin et ne pourra plus s'effacer. Un riche prétendu paraît sur la scène et son père a pris sa résolution. Elle doit se marier tout de suite. Le jour des noces est arrêté, c'est pour le 15 juin. Cette date semble être écrite en caractères de feu dans son cerveau. La date, écrite en lettres de feu, danse continuellement devant ses yeux. La date, criée par les furies, résonne sans cesse à ses oreilles. Mais il y a encore du temps. On est au milieu de mai. Une lettre peut encore lui arriver de Florence. Il a le temps de venir à Brunswick, de l'enlever, et de l'épouser en dépit de son père, en dépit du monde entier. Mais les jours et les semaines s'envolent. Il n'écrit pas, il ne vient point. Le désespoir s'empare de son cœur et elle ne peut l'en chasser. Le 14 juin est arrivé. Elle se rend pour la dernière fois au petit bureau de poste. Pour la dernière fois, elle adresse l'éternelle question et pour la dernière fois aussi, on lui donne cette cruelle réponse. Non, il n'y a pas de lettre. C'est la dernière fois, car c'est demain le jour fixé pour son mariage. Son père ne veut rien entendre. Son prétendu ne veut point écouter ses prières. Aucun délai ne lui est accordé, pas un jour, pas une heure. Cette nuit seulement lui appartient, cette nuit qu'elle peut employer comme elle l'entend. Elle prend un sentier détourné. Elle traverse rapidement les rues de la ville et gagne un pont isolé, où bien souvent elle et lui étaient restés à regarder le soleil couchant dont les couleurs se fondaient en mourant sur la rivière. Il quitte Florence. Il avait reçu sa lettre. Cette lettre, mouillée de ses larmes, pleine d'angoisse et de désespoir. Il l'avait reçue, mais il ne l'aimait plus. Une jeune Florentine qui lui avait servi de modèle avait fait son caprice, caprice qui remplaçait chez lui les sentiments du cœur et Gertrude avait été oubliée. Si elle avait un prétendu plus riche, tant mieux. Elle pouvait l'épouser. C'était le meilleur parti pour elle. C'était la meilleure affaire pour lui. Il ne se souciait point de s'embarrasser d'une femme. N'avait-il pas son art, son éternelle fiancée, sa maîtresse fidèle? C'est pourquoi il crut qu'il était plus sage d'ajourner son voyage à Brunswick, de façon à n'arriver qu'après le mariage, à n'arriver juste que pour saluer la mariée. Et ses promesses, ses idées mystiques, sa foi dans son retour même après la mort, pour embrasser sa bien-aimée? À présent, tout est oublié, effacé. Rien n'existe plus de ses rêves insensés de son adolescence. De sorte que le 15 juin, il entre à Brunswick par ce même pont sur lequel elle s'était tenue, éclairée par tant d'étoiles la nuit précédente. Il traverse le pont et descend au bord de l'eau. Son grand chien au long poil le suit. Et la fumée d'une pipe d'écume de mer forme un nuage fantastique dans l'air pur du matin. Il a son album d'esquisses sous son bras, et attiré de temps en temps par un objet qui frappe son œil d'artiste, il s'arrête pour dessiner. Ici, quelques herbes, au milieu des cailloux, sur le bord de la rivière. Là, un rocher sur la rive opposée, un bouquet de saules inondé dans le lointain. Lorsqu'il a terminé, il admire son dessin, ferme son album, secoue les cendres de sa pipe, la remplit de nouveau de tabac, fredonne le refrain d'une gaie chanson à boire, appelle son chien, fume et se remet en route. Tout à coup, il rouvre son album. Cette fois, ce qui attire son attention, c'est un groupe de personnes. Mais que font-elles? Ce n'est point un enterrement, car il n'y a personne en deuil. Ce n'est point un enterrement, mais c'est un corps, couché sur un grossier brancard, recouvert d'une vieille voile, et porté par deux hommes. Ce n'est point un enterrement, car les porteurs sont des pêcheurs dans leurs habits de travail. À 100 pas environ de lui, ils posent leur fardeau sur la rive, l'un est à la tête du brancard, l'autre se place au pied. Ils forment un groupe parfait. Ils reculent de quelques pas, choisissent son point de vue et commencent à l'âte une esquisse. Il a terminé avant qu'ils bougent. Il entend leur voix, quoiqu'il ne distingue point leurs paroles, et se demande ce qu'ils peuvent dire. Il s'avance ensuite et les rejoint. « C'est un corps que vous portez là, mes amis, » dit-il. « Oui, un cadavre rejeté sur la rive, il y a 1 heure environ. Noyé ? Oui, noyé, une jeune fille très jolie. » Les suicidés sont toujours jolis, dit-il. Puis il reste quelques moments à méditer en fumant nonchalamment et en regardant les angles aigus du corps et les plis raides de la toile grossière qui le recouvre. La vie est si dorée pour lui, jeune, ambitieux, habile, qu'il semble que le chagrin et la mort ne peuvent avoir rien de commun avec sa destinée. Il dit enfin que, puisque cette pauvre suicidée est si jolie, il aimerait en faire un croquis. Il donne quelque argent au pêcheur, et il s'offre à retirer la toile à voile qui cache son corps. Non, il le fera lui-même. Il soulève la grossière toile mouillée qui recouvre la tête. Dieu, quel visage! Le visage qui illuminait ses rêves pendant sa folle jeunesse. Le visage qui fut autrefois la lumière qui éclairait la demeure de son oncle, celui de sa cousine Gertrude, sa fiancée. Il aperçoit d'un seul coup d'œil, pendant qu'il retient sa respiration, les traits rigides, les bras de marbre, les mains croisées sur sa poitrine glacée, et au troisième doigt de la main gauche, l'anneau qui avait appartenu à sa mère, le serpent en or. L'anneau qu'il reconnut entre 1000, rien qu'au toucher, quand même il eût été aveugle. Mais il a esprit fort et métaphysicien. Le chagrin, le véritable chagrin, n'est pas fait pour lui. Sa première pensée, c'est de fuir. Fuir, n'importe en quel lieu éloigné de cette ville maudite. Loin des bords de cette horrible rivière, loin du souvenir, loin du remords, n'importe où, pourvu qu'on y trouve l'oubli. Il est déjà éloigné de plusieurs milles sur la route qui le sépare de Brunswick avant de s'apercevoir qu'il a changé de place. Ce n'est que lorsque son chien se couche haletant à ses pieds qu'il sent combien il est épuisé lui-même, et il s'assied sur un talus pour se reposer. Comme le paysage tourbillonne devant ses yeux éblouis, tandis que son croquis du matin, représentant les deux pêcheurs et le brancard couvert de toile, lui apparaît dans l'obscurité. Enfin, après être resté assis longtemps sur le bord de la route, jouant nonchalamment avec son chien, fumant avec paresse, paraissant aussi insouciant qu'un étudiant sans ennui peut paraître, quoique la scène du matin revienne 100 fois se présenter dans son cerveau brûlant, il devient plus calme enfin, et se met à songer à sa position en laissant de côté le suicide de sa cousine. À part cet événement, sa position n'est point pire qu'elle ne l'était hier. Il n'a pas perdu son génie. Il a dans son portefeuille l'argent qu'il a gagné à Florence. Il est son maître et libre d'aller partout. Puis, tandis qu'il est assis au bord de la route, essayant d'effacer de son souvenir la scène du matin, de chasser l'image du cadavre recouvert d'une toile humide, de songer à ce qu'il va faire, où il irait bien pour s'éloigner de Brunswick et du remords, la vieille diligence avance. Il se le rappelle, elle va de Brunswick à Aix-la-Chapelle. Il siffle son chien, grille au postillon d'arrêter, et s'élance dans le coupé. Pendant toute la soirée, durant la longue nuit, quoiqu'il ne ferme point les yeux, il ne prononce pas une parole. Mais quand vient le point du jour, les voyageurs s'éveillent et causent entre eux, ils se mêlent à la conversation. Il leur apprend qu'il est artiste, qu'il se rend à Cologne et à Anvers pour faire des copies de Rubens. Il se souvint plus tard qu'il avait parlé à Rie très haut, et qu'un voyageur plus âgé, plus sage que les autres, avait ouvert la portière et lui avait dit de mettre sa tête en dehors. Il se souvint que l'air frais lui avait frappé le visage, qu'il avait entendu le chant des oiseaux, et remarqué les champs et les côtes de la route fuyant devant ses yeux. Il se souvint de tout cela, puis d'être tombé sans connaissance dans le fond de la diligence. C'était le commencement d'une fièvre qui le força à garder le lit pendant 6 longues semaines dans un hôtel d'Aix-la-Chapelle. Il se rétablit, et accompagné de son chien, il se met en route à pied pour Cologne. À cette époque, il est redevenu lui-même. La fumée de sa pipe d'écume monte en spirale dans l'air du matin. Comme autrefois, il fredonne une chanson à boire. Il s'arrête encore çà et là pour réfléchir et dessiner. Il est heureux, et oublie sa cousine, et ainsi il va jusqu'à Cologne. Il est auprès de l'immense cathédrale, son chien à ses côtés. Il fait nuit. Les cloches viennent de sonner d'heure en carillon. Il est 11 heures. La lune éclaire les magnifiques colonnes au-dessus desquelles les yeux de l'artiste s'égarent, absorbé par la beauté des formes. Il ne pense point à sa cousine noyée. Il l'a oubliée, et il est heureux. Tout à coup, quelqu'un, quelque chose derrière lui, l'enlace de 2 bras glacés, rejoignant les mains sur sa poitrine. Il n'y a cependant personne derrière lui, car sur les dalles baignées par la clarté de la lune, il n'y a que 2 ombres, la sienne et celle de son chien. Il se retourne vivement. Personne. On n'aperçoit rien sur la vaste place que lui et son chien, et quoiqu'il les sente, il ne peut voir les bras glacés qui sont enlacés autour de son cou. Ce n'est point l'embrassement d'un fantôme, car il est palpable au toucher. Il ne peut être réel puisqu'il est impalpable à la vue. Il cherche à se débarrasser de cette froide étreinte. Il serre les mains glacées dans les siennes pour les détacher de son cou. Il sent les doigts longs, effilés et humides sous son toucher. Et au 3e doigt de la main gauche, il sent l'anneau de sa mère, le serpent en or, l'anneau qu'il disait toujours pouvoir reconnaître entre 1000, rien qu'au toucher, il le reconnaît à présent. Les bras glacés de sa cousine morte sont autour de son cou. Les mains froides de sa cousine morte sont croisées sur sa poitrine. Il va mourir, il va devenir fou. « Ici, lion !» s'écrie-t-il. « À moi, mon bon chien !» Et le Terre-Neuve saute à ses épaules, les pattes du chien posent sur les mains mortes, l'animal pousse un hurlement d'effroi et s'élance loin de son maître. L'étudiant reste au clair de lune, les bras morts autour de son cou, et le chien, à une petite distance, hurle tristement. Plus tard, un garde de nuit, alarmé par les hurlements du chien, arrive sur la place pour voir ce dont il s'agit. En un instant, les bras glacés se sont détachés. Il emmène le garde de nuit à son hôtel et lui donne de l'argent. Dans sa reconnaissance, il eut donné la moitié de sa modeste fortune à cet homme. Cet embrassement de mort le ressentira-t-il encore? Il fait son possible pour ne plus se trouver jamais seul. Il se crée sans connaissance et partage la chambre d'un autre étudiant. Il se lève toutes les fois qu'il va rester seul dans la salle de l'hôtel et court dans la rue. On remarque ses actes étranges et on commence à croire qu'il est fou. Mais en dépit de tout, il finit par être seul une autre fois, car une nuit la salle commune se trouve vide pour un instant, il gagne la rue, elle est solitaire aussi, et pour la deuxième fois, il sent les bras glacés de la morte autour de son cou, et pour la deuxième fois, lorsqu'il appelle son chien, l'animal s'éloigne de lui avec un hurlement plaintif. Après cela, il quitte Cologne, voyageant à pied, par économie à présent, car son argent s'épuise. Il se joint à des colporteurs. Il voyage côte à côte avec des laboureurs. Il parle à tous les piétons qu'il rencontre et essaye du matin au soir de trouver une société sur la route. La nuit, il s'endort près du feu dans la cuisine de l'auberge où il s'arrête, mais il a beau faire, il est souvent seul et il est habitué à présent à sentir les bras glacés autour de son cou. Bien des mois se sont écoulés depuis la mort de sa cousine, l'automne, l'hiver, le commencement du printemps. Il n'a presque plus d'argent. Sa santé est complètement délabrée. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il se rend à Paris. Il arrivera dans cette ville à l'époque du carnaval. Il pense à cet avenir. À Paris, dans le temps du carnaval, il ne sera certainement pas seul. Il ne sentira plus cette horrible caresse. Il pourra même retrouver sa gaieté perdue, sa santé, reprendre ses études et encore espérer gloire et profit. Avec quelle ardeur il se hâte de rapprocher la distance qui le sépare de Paris. Tandis que de jour en jour, il devient de plus en plus faible et que son pas devient plus lent et plus alourdi. Mais cela va finir. Les longues et tristes routes sont passées. C'est Paris où il fait son entrée pour la première fois, Paris dont il a si souvent rêvé, Paris dont les millions de voix doivent chasser son fantôme. Pour lui, à la nuit, Paris paraît être un immense chaos de lumière, de musique et de confusion. Lumière qui saute devant ses yeux sans vouloir s'arrêter, musique qui résonne à ses oreilles et le rend sourd, confusion qui tourne la tête. Mais malgré tout, il trouve l'opéra, où il y a un bal masqué. Il a assez d'argent pour prendre un billet et pour louer un domino pour couvrir ses vêtements râpés. Il lui semble qu'il n'y a qu'un moment d'écoulé depuis son entrée par la barrière de Paris, jusqu'à son arrivée au milieu de la folle gaieté du bal de l'opéra. Plus d'obscurité, plus de solitude, mais une foule cohue criant et dansant et un charmant débardeur s'appuyant sur son bras. Cette gaieté bruyante, c'est sans doute sa gaieté de cœur qui revient. Il entend des gens parler de la conduite ignoble d'un étudiant ivre, et c'est lui que l'on désigne, lui qui n'a pas humecté sa bouche depuis la veille, lui qui, malgré ses lèvres sèches et sa gorge brûlante, ne peut boire. Sa voix est épaisse et enrouée, sa parole indistincte, mais malgré tout, ce doit être son ancienne gaieté du cœur qui le rend si follement joyeux. Le petit débardeur n'en peut plus. Son bras pèse sur son épaule, plus lourd que du plomb. Les autres danseurs quittent un à un la salle de bal. Les lumières des lustres s'éteignent une à une. Les décors paraissent pâles et pleins d'ombre à cette triste clarté, qui n'est ni la nuit ni le jour. Une lueur mourante s'échappe des lampes, un pâle rayon d'un jour gris traverse les volets entrebâillés. À cette clarté, les yeux brillants du débardeur se voilent tristement. Il regarde le visage, c'est une femme. Comme le brillant de ses yeux s'éteint, il la regarde encore. Comme son visage est devenu pâle, encore, et cette fois, ce n'est que l'ombre d'un visage qui regarde le sien. Enfin, tout a disparu. Les yeux brillants, le visage, l'ombre du visage. Il est seul, absolument seul, dans cette vaste salle. Seul et dans un effrayant silence, il entend l'écho de son pas dans cette triste danse qui n'a plus de musique. Pas d'autre musique que les battements de son cœur dans sa poitrine. Car les bras glacés sont autour de son cou. Ils le font tourner, tourner sans cesse. Rien ne peut les faire lâcher prise. Il ne peut pas plus s'échapper à leur froide étreinte qu'il ne peut échapper à la mort. Il regarde derrière lui. Il est seul dans cette vaste salle déserte. Mais il peut palper, froid, cadavérique, l'aile roudoisée filée et la bague de sa mère. Il fait tous ses efforts pour crier, mais les paroles ne peuvent sortir de son gosier brûlant. Le silence n'est interrompu que par l'écho de ses pas dans cette danse folle qui l'entraîne malgré lui. Les mains glacées sont serrées sur son sein, et à présent, il ne fuit point leurs caresses. Non, encore une polka, dut-il tomber mort. Les lumières sont éteintes, et une demi-heure après, les gendarmes viennent avec une lanterne faire le rond pour voir si la salle est vide. Ils sont suivis d'un gros chien qu'ils ont trouvé assis, hurlant, sur les marches du théâtre. Près de l'entrée, il trébuche. C'est le cadavre d'un étudiant, mort de faim, d'épuisement et de la rupture d'un vaisseau. Ainsi s'achève Le baiser de glace par Marie-Elisabeth Braddon.